Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are going to continue with our message. Es geht weiter mit unserer Botschaft. On va continuer avec notre message. Which is the kingdom of grace and the kingdom of love. Die das Königreich der Gnade und das Königreich des Gesetzes ist. Dans notre message, il s'agit du royaume de la grâce et du royaume de la loi. They are both kingdom. Beides sind Königreiche. Tous les deux, ce sont des royaumes. We are of grace and not of law. Wir gehören zur Gnade und nicht zum Gesetz. Nous, on appartient à la grâce et pas à la loi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We should be grateful because of the spiritual grace, which is Christ Jesus. Wir gehören zur geistlichen Gnade, das heißt zu Christus Jesus, was für uns getan hat. Mais nous on appartient à la grâce surnaturelle du Christ, qui signifie qu'on appartient à Jésus Christ. Are you getting it? We are not after what man has done for man or is doing for man. Wir sind nicht hinter dem, was der Mensch für die Menschen getan hat. On n'est pas derrière ce que l'être humain a fait pour l'autre une autre after, personne. We are after the finished work of Christ. Wir sind hinter dem fertigen Werk von Christus her, was für uns getan hat. Nous sommes derrière l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, ce qu'il a déjà accompli pour nous. If it says but to him that worketh not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. You can see how he admired this period. Ihr seht, wie er diese Zeit bewundert in Vers 6. Verset 6, okay. Il dit que c'est ainsi que David proclamait béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice indépendamment des œuvres. Donc tu peux voir comment David il avait admiré ce période ici. Again, verse 6. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. It means Christ work for you. Das heißt, Christus arbeitet für dich. Nicht du arbeitest, sondern Christus arbeitet. Donc il a dit que il a proclamé la béatitude de l'homme. Donc il disait que il était vraiment fier de voir le temps où l'Éternel a travaillé pour toi, pas comme toi tu travailles pour l'Éternel. You better allow it to everything to be Christ's work. Lass lieber zu, dass alles das Werk von Christus ist und nicht dein eigenes Werk. Et c'est pour cela que tu dois vraiment vouloir qu'il s'agit de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et pas tes propres œuvres. Are you getting it? Mm-hmm. You are going to start work. It's Christ's work and not your work. Mm-hmm. Wenn du arbeitest, ist es nicht du, der arbeitet, sondern Christus, der durch dich hindurch arbeitet. Quand tu penses à ton travail, c'est pas toi qui va partir travailler, mais c'est le Christ qui va travailler pour toi. If you have his life. Wenn du sein Leben hast. Mais seulement si toi tu as sa vie. If you are not living his life. Wenn du sein Leben führst. Si tu es en train de mener sa vie. If you not believe, you not have the life of Christ in you. Wenn du glaubst, dass du das Leben von Christus in dir hast. Si tu crois que tu as la vie de Jésus-Christ en toi. It is Christ at work. Es ist Christus, der arbeitet und nicht du. Là, c'est le Christ qui travaille, c'est pas toi qui travaille. Verset 7. Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. It's talking about this period. Es geht um diese Zeit. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Il parle de notre temps aujourd'hui. This period that we are no longer called sinners. In dieser Zeit, wo wir nicht mehr Sünder genannt werden. Le période où on n'est pas, on n'est plus nommé des pécheurs. He said, whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Amen. Mm-hmm. We are no longer called sinners, though you still sin. Du wirst nicht mehr ein Sünder genannt, obwohl immer noch sündigst. Donc dans notre période, malgré on continue à faire à pécher, ils nous appellent pas, ils nous nomment plus des pécheurs. Praise the Lord. Hallelujah. If you know what Christ calls sin, you will know that you still sin. Wenn du weißt, was Christus Sünde nennt, dann wirst du dich immer noch als Sünder sehen, aber du bist kein Sünder mehr. Et si tu sais, tu es conscient de ce que l'Éternel appelle le péché, ce que lui, il considère comme péché, tu sauras que tu es ton cri de péché, tu n'es pas un pécheur. You know what man calls sin? You know, don't lie, stealing, you know, all those things. Very funny thing. Very funny sin. Amen. You know, If you really know what Christ calls sin, du wirklich weißt, was Christus Sünde nennt, wirst du dich vor ihm demütigen. Parce que si tu connais vraiment la signification du péché selon l'Éternel, toi tu vas t'humilier devant lui. Praise the Lord. Hallelujah. The period of his finished work. Die Zeit seines fertigen Werkes. Le période de son œuvre accomplie. As a son of God, we are greater. Als Söhne Gottes sind wir größer als all die Knechte zusammen. Étant des fils de Dieu, nous sommes vraiment plus grands que tous les autres, tous les serviteurs qu'il y a eu ensemble. Amen. Amen. Mm. You know, Abraham, Moses, all of them. Alle. Donc nous sommes plus Isaiah, grands que Abraham, Jeremiah, all of them put together. Mm. As a son, you are greater than als all ein of Sohn bist du größer als sie alle zusammen. Donc, étant un fils, tu es plus grand que tous les serviteurs de Dieu ensemble. You know, in the natural world, you can even see it. In der natürlichen Welt kannst du es sehen. Your boss and her son. Are you getting it? Mm. Your boss and his son or her son. No matter how, if even you are 1 million working there, his son is still greater. Mm. Than all the 1 million working there. I don't know if you understand. Wie bei deinem Vorgesetzten, egal wie viel, wie gut du arbeitest, egal wie viele Mitarbeiter er hat und viel, wie gut diese sind und wie fleißig die sind und hingebungsvoll sind und alles opfern für die Arbeit, ein Sohn bleibt immer noch ein Sohn und dieser Sohn wird immer noch größer sein als jeder beste Mitarbeiter. Et tu peux voir un exemple dans le monde naturel. Si tu es dans une entreprise avec ton boss par exemple, ton chef, tu vas voir que même s'il y a des milliers de serviteurs, des servants ou bien des milliers des travailleurs qui sont vraiment bien, mais il y a toujours une différence entre le fils de ton chef et tout autre travailleur en fait. Even the angels are servants and not sons. Selbst die Engel sind Knechte und nicht Söhne. Même les anges, eux, ils sont des servants. No wonder I said we are going to judge them. Nun, dass er sagt, wir werden über sie richten. Et c'est pour cela, ça ne m'étonne pas qu'il a dit qu'on va les juger. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. In Hebrew 1. Hebrew 1. Dans Hebrew 1. Hebrew 1. Hebrew 1. Verse 4 and 5. Hebrews 1, verse 4 and 5. It said, being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee. And again I will be to him a father, and he shall be a son. He shall be to me a son. You can see the difference. Mm. Amen. Mm. You can see why he said you are even going to judge the angels. Ihr seht, weshalb er gesagt hat, ihr werdet sogar die Engel richten. Et si tu peux voir pourquoi il a dit qu'on va juger les anges à verset 5, parce que nous sommes des fils. Then verse 13 and 14, please, of this same chapter. Hébreux 1, maintenant, on va lire 13 et 14. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make your enemies your footstool. Are they not all ministry spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Geschickt von Gott. Donc on peut voir que même ici, versets 13 et 14 nous fait voir que les anges ont été envoyés par Dieu. Ce sont des servants. Angels are servants. Engel sind Knechte, wir sind Söhne. Les anges sont les serveurs, servants. Praise the Lord. Mais nous sommes fils. In 1 Corinthians 6, please. Les anges sont les serviteurs. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Alice will help us to read. Verse 2 and 3. 2 and 3. 1 Corinthians 6, verses 2 and 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über, die allergeringsten Dinge zu entscheiden, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens. Praise the Lord. Hallelujah. Do you not know that the saints shall judge the world? Talking about you and me. Es geht um dich und mich, die Heiligen. Ne savez-vous pas que vous, que les saints jugeront le monde? Ils parlent de toi et moi. And if the world shall be judged by you, by you. You see that? Mm-hmm. Are you unworthy to judge the smallest matters? Verse 3. Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Praise the Lord. Le monde sera jugé par nous. Et c'est pour ça qu'il a continué à verset 3 qu'on va aussi juger les anges. A son is greater than servants. Un Sohn ist größer als ein Knecht. Un fils est plus grand, plus important qu'un serviteur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, the Bible said that we are greater. Die Bibel sagt, wir sind größer. La Bible nous dit que nous sommes plus grands. Greater even than John the Baptist. Größer sogar als Johannes der Täufer. Plus grand que Jean-Baptiste. Greater than all the prophets put together. Größer als alle Propheten zusammen. Plus grand que tous les prophètes quand tu les mets ensemble. Amen. Amen. And that's why you never allow, you know. I'm greater than a prophet. Sie sind nicht größer als ein Prophet. Et c'est pour cela que je suis plus grand qu'un prophète. Are you getting it? Once you come to that prophet level, I just see flesh. Wenn du Propheten Level geht, I see religion. Sehe ich das Fleisch, sehe ich die Welt, sehe ich Religion. Dès qu'on parle des prophètes, moi je vois que la religion, je vois que la chair. Amen. C'est un niveau trop bas. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 11. In Matthäus 11. Matthew 11. Jesus talks about John the Baptist. Jesus spricht über Johannes den Täufer. Jésus parle de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Let us go there, please. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, John the Baptist sent his disciples to Jesus Christ. Der Täufer hat seine Jünger geschickt zu Jesus Christus. Jean-Baptiste avait envoyé ses serviteurs. Amen. To ask Jesus some questions. Um Jesus einige Fragen zu stellen. Pour demander à poser à Jésus quelques questions. Because he was facing a lot of difficulties. Weil viele Schwierigkeiten vor Augen hatte. Parce qu'il avait beaucoup de problèmes. He was about to be beheaded. Aber kurz davor geköpft zu werden. On voulait le lapider en fait. Amen. Décapituler. From verse 2, he said, now, when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, art thou he that should come, or do we look for another? Praise the Lord. Hallelujah. This very place is very deep. Jean-Baptiste demande, êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? C'est ce qu'il demande à Jésus. Somebody was feeling a heavy heat here. Et jemand stand hier unter Druck. Donc Jean-Baptiste était vraiment sous pression ici. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then in verse 4, Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. You know, once you hear the truth and you are not offended, you are still there listening. Wenn du die Wahrheit hörst und du nicht Anstoß daran nimmst und weiterhin zuhörst, bist du gesegnet. Si tu écoutes, tu entends le message et que tu n'es pas offensé par ce message, ou bien malgré que c'est en train de te dire quelque chose, ou bien de t'agresser peut-être parce que c'est la vérité, et tu continues à écouter le message, là tu es heureux. Il a dit que heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. You know, once... praise the Lord. Hallelujah. You know, the truth offend people. Die Wahrheit sorgt für Anstoß bei Leuten. Parce que la vérité est en train d'offenser les personnes. Because the truth is telling them they have been living lies. Denn die Wahrheit sagt ihnen, dass sie in einer Lüge gelebt haben. Parce que la vérité te fait voir que tu es en train de vivre dans des mensonges. Amen. Amen. They want to see themselves doing the right thing. What they call the right thing. Denn sie wollen sich sie wollen das Richtige tun. Et l'être humain veut toujours faire une chose qui est juste. Il veut toujours entendre que son chemin est le droit chemin. And they want what they call right to be what you tell them is right. Und sie wollen, dass das richtig ist, was du ihnen sagst. Sie wollen, dass das was sie feel like is right. Das, was sie dass tun, sie was sie für richtig halten, das ist, was du sagst, als richtig benennst. Okay. Donc, ils veulent toujours que ce que eux ils sont en train de considérer comme chose juste, ils veulent que tu puisses aussi leur dire que c'est juste. Praise the Lord. Donc, ils veulent cette confirmation de ta part. Amen. They hate correction. Sie hassen Verbesserung. L'être humain déteste des corrections. They hate repentance. Sie hassen Buße. Ils détestent de se repentir. Amen. Once you come to repentance, they are offended. Wenn es um Buße geht, nehmen sie Anstoß. Quand tu dis à l'être humain de se repentir, comment quand la personne commence, oui, à avoir un problème, tu as une occasion de chute pour la personne. Verse 6 again, say, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, so once they just hear one, just one, they leave there. Einige, wenn sie eine Sache hören, die nicht passt, sind sie direkt weg. Immediately they take off. Donc, verset 6, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il dit que heureux celui qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, ce sont ces personnes... Tu dis la vérité, donc la petite chose qui les dérange directement, ils sont offensés, ne veulent plus écouter le message, dit que ben, ce message, ça m'a, je n'aime pas et oui, ils partent. The question is, do you want Christ or not? Aber die Frage ist, willst du Christus oder nicht? Mais la question est-ce que tu veux le Christ, oui ou non? The question is, are you after Christ or not? Bist du hinter Christus her oder nicht? La question est que es-tu derrière le Christ, oui ou non? The question is, are you hungry of Christ Jesus alone or not? Bist du hungrig nach Christus Jesus allein oder nicht? La question est que es-tu vraiment affamé du Christ lui-même, oui ou non? Jesus said, well, if you are hungry after righteousness, that is after him, believing him, knowing him, being one with him, knowing the truth. Amen. And then he can feed you. Yes, if you are not hungry of Christ Jesus, we cannot feed you. Because all we have here is Christ Jesus. Yes, aber wenn du nicht hungrig bist nach Gerechtigkeit, dann werden wir dich nicht füttern können. Alles, was wir haben, ist Christus Jesus. Genau, amen. Et Jésus-Christ, lui, dit que si tu n'es pas affamé, tu n'as pas faim de la justice, et cette justice, c'est lui-même, il n'est pas capable à te nourrir, parce que lui, il nourrit seulement les personnes qui ont faim de lui-même. Verset 7. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John. Jesus. Oh. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He never pet anyone. Er hat niemanden betüdelt. Denn es geht ihm nicht ums Fleisch. Er ist immer gerade heraus. Donc, on peut voir que Jésus-Christ, il était toujours droit envers les gens. Donc, il n'a pas caressé la chair. Jennifer, help us to read verse 7, mon chat. Verset 7. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Danke, Schatz. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the wind? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, John's ministry was in the wilderness. Die Gemeinde von Johannes war in der Wüste. Et on peut voir que le ministère de, on se rappelle que le ministère de Jean-Baptiste était au désert. No air condition. Il y avait pas de climatiseur. Il n'y avait pas de climatiseur là. I'm getting it. Nothing. But yes, there was nothing there. No bakeli parla. Parla. What do you call it? Bakeli parla. Bakeli. Ça qu'un palais. Praise the Lord. Il n'y avait pas un palais. No, no, no. They have nothing to admire. Es gab nichts, das man dort bewundern zu können. Il n'y avait rien à admirer là-bas. Just like Jesus himself. Genau wie Jesus selbst. Tout comme Jésus-Christ lui-même. The Bible said nothing to admire in him. Die Bibel sagt, es gab nichts, keine Schönheit in ihm. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien à admirer en lui. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Hey. You know, if you are going there, you should be prepared for snake. Wenn du zu der Gemeinde gehst, musst du bereit sein, dass du da Schlangen, Skorpionen und sonstiges siehst. Donc dans ce ministère de Jean-Baptiste, si tu veux aller là-bas, tu dois te préparer à voir tout autre type de personnes et de serpents et des scorpions. You know, people run away from just ordinary rats. Leute flüchten vor Ratten. You know, to go here, you have to see snake. Wenn du dahin gehst, werden Schlangen eventuell begrüßen. Donc ici par exemple, il y a des personnes qui ont peur des araignées, mais quand tu pars dans le ministère de Jean-Baptiste, tu vas avoir des serpents. You know, they tell you in that church there's rats. You know, there's what do you call it, cockroach. Everywhere you can see them. You say, ah, I will never go to such a place. But here it's not only rats. You know, it's not just rats. You will see what can even kill you. Genau, und in einigen Gemeinden gibt es Dinge, vor denen du dich vielleicht ekeln würdest, aber in dieser Gemeinde von ihm gab es Dinge, die dich sogar töten könnten. Si quelqu'un te dit, on va partir dans cette église, mais dans cette église, il y a les araignées, les gens vont dire que ben, c'est dégueulasse, j'ai pas envie d'y aller là-bas. Mais dans le ministère des hommes, Jean-Baptiste, il y avait même des serpents, qui pouvaient donc des animaux qui vont te tuer. Jesus is not saying, he said, those that went there, what did they go there to see? Jesus sagt, die Leute, die dorthin gegangen sind, was haben die gesucht? Il a dit ici à verset 7, les gens qui sont partis là-bas, dans le ministère de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils ont sont partis voir? Verset 8. But what went he out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. A man dressed beautifully. Are you getting it? Everywhere is, you know, just so sauber. You know, don't just the people. There's some people they can clean something, clean everything. Amen. Don't know where they are coming from. Amen. Praise the Lord. Are you getting it? Hey, it's always cleaning. For them, it's always cleaning. They call it cleanliness is next to godliness. Praise the Lord. But this should let me know. You can see John here. And Jesus is saying it's not about what is outside. Jesus sagt hier, es geht bei Johannes nicht um das, was äußerlich ist. Ne? Es ging hier nicht um jemanden, der total putzfanatisch war, sauber war und der einem einen wunderschönen Raum präsentieren konnte, wo man sich hinsetzen konnte, wo nichts staubig war. Mhm. Aber es gibt einige Menschen, die sind so fanat in das Saubermachen und das Saubermachen ist für sie sogar ein Dienst, den sie sogar als religiös und als... Und sie sagen sogar, dass Sauberkeit mit Göttlichkeit sozusagen, Göttlichkeit nahe steht. Und deswegen rechtfertigen sie sozusagen ihren Putzwahn, ne? Und riskieren sogar ihr Leben, um ihre Wohnungen zu putzen. Und vergöttern sozusagen diese Sauberkeit, dieses Saubersein. Il y a aussi beaucoup de personnes, par exemple, donc il ne s'agit pas d'une place qui est vraiment très propre, il s'agit de l'intérieur du Christ lui-même, parce que ici, ça peut être aussi des places où les gens veulent toujours être dans des églises ou bien dans des places qui sont vraiment très propres, où il n'y a vraiment pas de des saletés, des histoires comme ça, mais il ne s'agit pas de ça. Amen. Cleanliness is next to godliness. It's not talking about cleaning your house or cleaning your toilet. It's talking about your heart to belong to Christ. Und wenn es dieser Bibelvers so steht, dass Sauberkeit oder Reinheit Gottesfurcht nahesteht, geht es ja nicht um die physische Sauberkeit, Amen. Sondern es geht um die dein Herz. Amen, ne? Amen. Was ist in deinem Herzen? Amen. Et il y a le verset biblique où il dit que la pureté est près de quand tu es vraiment si pur, tu es aussi ou bien propre, tu es aussi près de Dieu. Mais il ne s'agit pas de de la pureté ou bien la propriété naturelle. Il s'agit de ton cœur. Si ton cœur est pur et propre. Donc, il ne s'agit pas du matériel ou bien du physique, mais de l'esprit de ton cœur aussi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. It reminds me of Nigeria. Das erinnert mich an Nigeria. Ça me rappelle de Nigeria. Years ago, when we were, we used to go to witch doctors. Als wir zu Satanisten gegangen sind. Follow them there. Und wir ihnen dorthin gefolgt. Ça me rappelle de Nigeria quand on partait chez des marabouts. You know why they are so funny? But you still go there. It's all, you can even be in the bush. It doesn't matter. It's not about. It's about what is inside it. Mm. That is Christ Jesus. It's not about outside. Mm. The Christ in you. Damals, als wir noch zu Satanisten gegangen sind, wegen unseren Herzenswünschen, sind wir auch dorthin gegangen und diese Leute, die waren in den übelsten Gebüschen unterwegs und es hat einen auch nicht gejuckt, sondern man fand es sogar noch authentischer und so dreckiger es war. Hat man sich so gedacht, anscheinend meint er es wirklich ernst, der Junge, und er kann wirklich mir das geben, was ich will, weil er halt wirklich in einem Loch wohnt. Ne? Aber bei Christus, da fängt man auf einmal an, auf Sauberkeit und Schönheit und Reichtum zu schauen und dann davon abgeschreckt zu sein. Anstatt auch nur wie bei diesem beim Teuflischen eher auf das Geistliche zu schauen als auf das Physische. Et ça me rappelle vraiment chez des marabouts quand on était quand moi j'ai quand on partait avant de venir vers le Christ chez les marabouts, donc c'était toujours des endroits vraiment bizarres dans un champ là vraiment très très dégueulasse, sale, mais on y partait parce qu'on savait que malgré c'est si sale comme ça, c'est authentique en fait. On va te donner vraiment ce que toi tu veux, tu désires dans ton cœur. Et ça nous intéressait pas le degré de propriété là-bas ou bien de la saleté là-bas. Alors, on y croyait qu'ils étaient capables à nous donner ce qu'on veut. Mais quand il s'agit du Christ, là, on s'y attend maintenant à des propriétés, je sais pas, d'un niveau. Très haut là, parce qu'on n'est pas capable d'avoir l'esprit. Les gens voient toujours là, ils commencent, quand il s'agit du Christ, là, ils commencent à voir la chair, la propriété, ils ne voient même plus l'intérieur. It is a pity that the satanic people see the spirit. They after the spirit more than the so-called God people. Es ist traurig, dass diese Satanisten die geistliche Welt noch mehr achten als die Kinder Gottes. Et c'est vraiment pitoyable que les satanistes, eux, sont vraiment en train de valoriser le monde spirituel plus que le monde naturel. Et nous, les enfants de Dieu, on est en train de valoriser le naturel plus que le spirituel, plus que l'esprit dedans. Oui. They don't see black or white. They don't see old or young, they don't see male or female, they see the spirit. Mm-hmm. For them, it's about the inside. Mm-hmm. But the so-called God people, see, the outside is their life. Die satanische Welt, sie sieht nicht, ob schwarz oder weiß, Frau oder Mann, klein oder groß. Aber die Christen, sie schauen auf all diese Sachen. Mm-hmm. Sie lassen sich davon kontrollieren, manipulieren und ja. Donc le monde sataniste, eux par exemple, ils ne considèrent pas enfants, âgés, femmes ou bien un homme si tu es noir ou bien blanc. Non, eux ils considèrent que l'esprit. Tu peux voir un bébé, un petit bébé de 5 mois là qui est vraiment un grand maître dans leur monde spirituel là-bas. Mais ici le monde, les enfants de Dieu, les gens qui veulent s'appeler les enfants de Dieu sont toujours en train de considérer les 5 sens, la chair. De considérer vraiment l'extérieur et pas l'intérieur. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. Verse 9. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ein, der mehr ist als ein Prophet. Amen. Amen. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, I'm more than a prophet. Mm. He said John was more than a prophet. Er sagt, Johannes war mehr als ein Prophet. Verset 9, mais qu'êtes-vous allé voir un prophète ou vous dis-je est plus grand qu'un prophète? Bon, en fait, on peut voir que Jean-Baptiste était un prophète, mais Jésus nous dit que nous sommes plus grands qu'un prophète. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, Jesus, you know, John prepared the way for Christ Jesus. Johannes hat Jesus den, you can see it. Den Weg vorbereitet. Et on peut voir que Jean-Baptiste, il a préparé le chemin pour le Christ. He introduced Christ. Er hat Jesus Christus uns vorgestellt. Donc, il nous a introduit le Christ. He said, for this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face. We shall prepare the way before thee. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He prepared the way for Christ. Er hat den Weg vorbereitet für Christus. Donc, verset 10 nous fait voir que Jean-Baptiste a préparé le chemin pour le Christ. Amen. Amen. You know, John, Jesus said he's greater than the prophet. Jesus sagt, and now Jesus said we are greater than John. Jesus sagt, verse 11 and 12. En fait, Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que tout autre prophète. Et maintenant, verset 11, il nous fait voir que nous sommes maintenant plus grands que Jean-Baptiste. Praise the Lord. Yeah. Verse 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, they have not risen greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to be called that you are a prophet will reveal you to me. That you call yourself a prophet will reveal you to me. Dass du dich als Prophet bezeichnest, offenbart dich mir ganz klar, dass du nicht zu Christus Jesus gehörst. Ici, à cause du verset 11, quand toi tu t'appelles un prophète, ça va me faire voir que tu n'as pas la vérité en toi. It means you are under law. Das heißt, du bist unter dem Gesetz. Ça va me faire voir que tu es sous la loi. It means you are against evil Christ. Under law, you are against Christ. Unter dem Gesetz bist du gegen Christus. Et si tu es dans la loi, sous la loi, ça signifie que tu es sous le Christ, contre le Christ. Parce que si tu es sous la loi, toute personne qui est sous la loi est en train de marcher contre le Christ. But the world, they love prophets. Ah, die Welt liebt Propheten. Christianity. Religion. They love that word, prophets. Sie lieben diesen Begriff Propheten, diesen Titel. Mais le monde, la religion aime le titre de prophète. Amen. Jesus said we are greater than all the prophets. Ah, Jesus sagt, wir sind größer als all die Propheten. Put together. Elijah, Elisha, Joshua. Mais Jésus nous dit que nous sommes plus grands que tous les prophètes. Elijah, Joshua, all diese Leute, sogar die Jünger. Donc Élisée, Josué, donc même plus grand que ses propres disciples. The prophets was before the coming of Christ. Die Propheten waren vor dem Kommen von Christus Jesus. Donc les prophètes étaient avant l'arrivée de Jésus-Christ. The disciple was of the Son. Die Jünger waren von dem Sohn. The prophet was of the Father. Die Propheten waren vom Vater. The disciples was of the Son. Und die Jünger vom Sohn. And the sons are of the Holy Spirit. Und die Söhne sind vom Heiligen Geist. Amen. Donc les prophètes étaient venaient de Dieu. Et les disciples, ils étaient de Jésus-Christ, mais les fils sont du Saint-Esprit. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. We are sons and not servants. Wir sind Söhne und nicht Knechte. Nous sommes des fils et pas des servants. Amen. Serviteurs. We are greater than the disciples because we are sons. Wir sind größer als die Jünger, weil wir Söhne sind. Nous sommes plus grands que les disciples parce que nous sommes des fils. Under law, you are a servant. Aber unter dem Gesetz bist du ein Knecht. Mais si sous la loi, tu es un, oui, tu under es grace, un you are a son. Unter der Gnade bist du ein Sohn. Amen. Mais sous la grâce, tu es un fils. Jesus never called us servants, but sons. Amen. Jesus hat uns nie Knechte genannt, sondern Söhne. Jésus-Christ nous a jamais appelé ses serviteurs, il nous a appelé ses fils. Remember, he said, as he is, so are we right now. Erinnert euch, er sagt, so wie er ist, so sind wir jetzt hier auf dieser Welt. Rappelez-vous, il a dit que tout comme il est, c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui ici, au présent. He came as a son to teach us how to live as a son of God. Und er kam als ein Sohn, um uns zu zeigen, wie wir als Söhne Gottes leben sollen. Donc il était venu ici sur terre comme un fils de Dieu pour nous faire voir comment on vit la vie en étant un Christ, un fils de Dieu. 1 John 3, 1 and 2 called us sons. He said, you are sons of God. In 1 Johannes 3 steht, dass wir Söhne Gottes sind. 1 Jean 3 nous fait voir que nous explique que nous sommes les fils de Dieu. I mean, those of you here in this ministry, we are sons of God. Gemeinde, wir sind Söhne Gottes. Et je parle surtout de nous ici dans cette église, parce que je sais que nous sommes des fils de Dieu. It takes Christ Jesus alone to be a son of God. Es braucht Jesus Christus alleine, um ein Sohn Gottes zu sein. Pour être un fils de Dieu, tu as vraiment besoin de Jésus-Christ seul, seulement Jésus-Christ. Rien d'autre à côté. Praise the Lord. On va lire 1 Jean. 1 Jean. 1 Johannes. 1 Jean. 3. Vers 1 et 2. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God. Amen. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are sons of God. Wir sind Söhne Gottes. Donc on voit ici verset 1 et 2 que nous sommes les fils de Dieu. In this ministry. In dieser Gemeinde. Et surtout nous ici dans cette église. We are not disciples. Wir sind keine Jünger. Nous ne sommes pas les disciples. Because we are greater than disciples. Weil wir sind größer als Jünger. Parce que nous sommes plus grands que des disciples. We are not prophets. Wir sind keine Propheten. Nous ne sommes pas des prophètes. Because we are greater than prophets. Weil wir größer sind als Propheten. Parce que nous sommes plus grands que les prophètes. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said in Matthew 11, he said, the least among you is greater than even John the Baptist, that is greater than the prophet. Jesus hat Matthäus 11 gesagt, dass der kleinste unter euch sogar größer ist als der Prophet. Matthieu 11, Jésus-Christ nous a fait voir, nous a dit que nous on a lu ensemble qu'il a dit que le plus petit entre vous, mes fils, mes enfants, sont le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste était plus grand que les prophètes. Amen. It takes Christ Jesus alone to be in this ministry. Es braucht Christus Jesus alleine, um in dieser Gemeinde sein zu können. Pour être capable d'être membre ou bien d'être un citoyen du royaume des cieux ou bien d'être dans cette église, parce que c'est la même chose, tu as vraiment besoin du Christ lui-même. Actually, it's easy to be part of us. Es ist sogar einfach, hier Teil davon zu sein. Et normalement, c'est vraiment très simple de faire partie de nous. Just Christ Jesus. Es braucht einfach nur Christus Jesus. Hello. Il a seulement besoin de Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. In John 6, verse 44. Johannes 6, 44. Jean 6, 44. Praise the Lord. Hallelujah. John 6. 44. Johannes 6, 44. Jean 6, 44. If you are not after the truth, don't come here. Wenn du nicht hinter der Wahrheit her bist, dann komm nicht hin. Du wirst so viele Schläge erleiden. Si tu n'es pas derrière le Christ, tu ne peux pas venir ici. Parce que oui, les gifles spirituelles seront vraiment très chauds pour toi. The beating will be too much. Les Schläge werden einfach zu hart sein. Ça sera vraiment très chaud. Amen. Go left and right, up and down. Amen. Because the truth is just everywhere. Parce que ici, ça sera trop chaud pour toi parce que la vérité, on est seulement derrière la vérité. Look at what Jesus said here. Schaut euch an, was Jesus hier sagt. Johannes 6, 44. On va voir ce que Jésus-Christ nous dit. Jean 6, 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Amen. Nie ne Provenie. No man can come to me. No one can come to this ministry. Kann in diese Gemeinde kommen. Donc, nul ne peut venir à moi. Je peux dire aussi que nul peut venir dans cette église. No one can come here and remain here if it is not based on Christ Jesus. Niemand kann hier hinkommen und hier bleiben, wenn es nicht vollkommen auf Christus Jesus basiert. Personne ne peut rester et venir ici et rester ici si c'est pas basé sur le Christ lui-même. Amen. Amen. No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. You don't need to be raised up before you come. You come as you are. Then be prepared for a change. Du musst nicht auferweckt sein, bevor du kommst, aber sei bereit für eine Veränderung. Il dit que si le Père, verset 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et Azoni ne peut venir si le Père ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça signifie aussi que tu ne vas pas venir quand tu as changé, mais tu viens comme tu es, tel que tu es, et lui, il va te changer. Donc sois préparé d'un changement. Because you never come to Christ Jesus and not be changed. Denn du kommst nicht zu Christus Jesus kommen und bleibst gleich. Parce que tu viens pas vers le Christ et tu restes le même. You will never remain the same. Du wirst niemals gleich bleiben. Tu vas jamais rester le même. Remember the beginning of his ministry. In Matthew 4:17, he said, "Repent for the kingdom of heaven is at hand." There's going to be a change and a heavy change. In Matthäus 4:17, wo er sagt, es wird eine Veränderung geben, denn das Königreich Gottes ist nah. Matthieu 4:17, il dit que repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche, il est déjà là. Donc c'est pour cela tu dois te repentir. Donc il te dit qu'il y aura vraiment un changement. Amen. Amen. Que tu dois te changer, oui. Amen. Not yet change, a heavy change. Keine kleine Veränderung, so eine riesige Veränderung. Donc, et le changement ne sera pas un petit changement, ça sera un grand changement. Yeah, you know, people will tell you are brainwashed. Wo Leute dir sagen werden, du bist gehirngewaschen. Un changement où les gens vont te dire, mais on a lavé tes cerveaux, on a lavé ton cerveau. Where people will tell you are crazy. Wo Leute dir sagen werden, du bist verrückt. Les gens vont te dire que mais toi tu n'es plus normal. Amen. Tu n'es plus comme avant. The inside will completely change. Das Innere wird vollkommen verändert sein, alles. L'intérieur sera vraiment changé, donc tout sera changé. Never accept to be called prophet or even disciple. Akzeptiere es niemals, ein Prophet oder ein Jünger genannt zu werden. Et c'est pour cela c'est important que tu ne puisses pas, tu ne dois pas apprécier ça, tu ne dois même pas vouloir qu'on t'appelle prophète ou bien serviteur. Ou bien serviteur. That is the motion. Denn das ist eine Herabstufung. Parce que là, tu es en train vraiment de te dégrader. It means you are a servant and not a son. Das heißt, du bist ein Knecht, aber kein Sohn. Parce que si on t'appelle prophète ou bien on t'appelle disciple, ça signifie que tu es un serviteur et tu n'es pas un fils. It means you are under law, not under grace. Das heißt, du bist unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade. Ça signifie que tu es sous la loi et pas sous la grâce. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Just like Jesus never called us sinners. Genau wie Jesus uns niemals Sünder genannt hat. Tout comme Jésus-Christ nous a jamais nommé pécheurs. He said, "You don't do that. It's sinners that do that." Ihr tut sowas nicht. Sünder tun sowas. Il a dit que non, vous ne faisiez pas des histoires comme ça. Ce sont les pécheurs qui font ça. Amen. Amen. Because sinner does not have authority over death. Denn Sünder haben keine Autorität über den Tod. Amen. Parce que les pécheurs n'ont pas d'autorité sur la mort. Because sinners, you know, because death only kills sinners. Weil der Tod tötet nur Sünder. Parce que la mort tue seulement les pécheurs. Death never kills the righteous. Der Tod tötet nicht die Gerechten. La mort n'est pas capable à tuer les justes. Those that believe Christ are die an Christus glauben, sind die Gerechten. Amen. Et les justes, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Those that surrender to Christ are Amen. The righteous. Amen. Die sich Christus hingeben, sind die Gerechten. Et les justes sont seulement ceux qui se soumettent à Jésus-Christ. You better learn to be one of the righteous. Amen. Lerne lieber zu den Gerechten zu gehören. Et c'est pour cela c'est important. C'est nécessaire que tu puisses apprendre à être un des justes. Because the righteous are above death. Amen. Weil die Gerechten stehen über dem Tod. Parce que c'est seulement les justes qui sont au-dessus de la mort. John 6 again, please. Johannes 6 nochmal. Jean 6 encore. Amen. Amen. From verse 44. Von Vers 44. Jean 6, verset 44. He said, "No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. It is written in 45. It is verse 45, please. 45. It is written in the prophet, and there shall be all taught of God. Amen. Every man thereof that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Not that any man has seen the Father, since he which is God, he has seen the Father. Ooh, do you see something here? Which is of God. Praise the Lord. Hallelujah. He said, not that any man had seen the Father, save he which is of God. Mm-hmm. He has seen the Father. Amen. If yeah. you belong to Christ, you have seen the Father. Father. Wenn Amen. Du zu Christus Jesus gehörst, hast du den Vater gesehen. Il a dit à verset 46, ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui a vu le Père. Ça signifie que si tu es du Christ, si tu as la vérité en toi, là tu as déjà vu le Père. Amen. Remember, Moses wanted to see the Father. Moses wollte den Vater sehen. Tu peux voir que Moïse voulait voir le Père. And the Father said, if you see me, you will die. Und Moses und der Vater hat gesagt, wenn du mich siehst, wirst du sterben. Et le Père a dit que si tu me vois, tu vas mourir. But here Jesus is saying we have seen him. Amen. Hier sagt Jesus, wir haben ihn gesehen. Mais Jésus-Christ nous fait voir ici que nous on l'a déjà vu. Because through Christ we have seen him. Amen. Durch Christus haben wir ihn gesehen. Amen. Parce qu'à travers Jésus-Christ on a déjà vu le Père. Praise Amen. The Lord. Hallelujah. Verse 47. 47. Verset 47. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Mm. I am the bread of life. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. Mm. This is the bread which came down from which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. As a son, you are above death. Als Sohn stehst du über dem Tod. Donc, si tu es le fils, tu es au-dessus de la mort. Is somebody getting it? Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The righteous are under grace. Die Gerechten sind Only the righteous are under his grace. Nur die Gerechten unter seiner Gnade. Seulement les justes qui sont sous sa grâce. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 51. I am the living bread. Verse 51. Which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Verse 52. That's the Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Hey! Ici, l'Éternel dit que vous allez boire mon sang, manger mon corps. Et tu vois que les Juifs lui disaient, mais comment cet homme peut-il donner sa chair à manger? How they will be frightened by what you say to them today. Mm. When you just tell them, just a little truth, they're frightened, you can see the fear here. How can this man give us his flesh to eat? Ihr seht hier auch die Angst, die Bedrohung in den Augen der Menschen, die das hören, was Jesus Christus gesagt. Genauso ist es auch, wenn wir heute zu den Leuten sprechen, wie die Menschen sich verängstigt oder bedroht fühlen von unseren Worten. Et c'est tout comme ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Quand on est dehors, nous sommes dehors, on est en train de parler aux gens, on leur dit la vérité selon la parole de l'Éternel. Tu peux voir qu'ils sont en train de réagir comme les Juifs ici. Ils sont vraiment effrayés, ils sont vraiment étonnés. Ils te disent, mais ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Tout comme Jésus-Christ a dit que quand il disait que tu vas vous allez manger ma chair, il disait que mais il est fou. Praise the Lord. Hallelujah. I never prayed that here before. Ich bete nie dafür, dass dieser Ort voll never. Ist. Moi, je n'ai jamais prié de, que je n'ai jamais demandé à l'Éternel que cet endroit, cette église Amen. Puisse être vraiment rempli. My prayer is that Lord be here always. Amen. Because you promised us you will never leave us, you will never Denn du hast uns versprochen, dass du dass uns nicht verlässt. Mais ma seule prière est que Seigneur continue à être ici parce que toi tu nous as promis que tu vas jamais nous abandonner. And I thank him that he gave to his promise. Amen. Ich danke ihm, dass seine Versprechen hält. Amen. Et je lui remercie, je suis vraiment reconnaissante que il garde toujours sa promesse. Amen. Amen. So help us to read verse 53. 53. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. How to have the life of Christ. Wie wir das Leben von Christus haben. Ici, verset 53 nous fait voir comment avoir la vie du Christ. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whosoever eateth my flesh and drinketh my blood have eternal life, and I will raise him up at the last day. My flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. That is the bread. This is the bread which came down from heaven. Not as your father did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are above death. Wir sind schon über dem Tod. Donc il dit que la personne qui va manger son corps et son sang et boire son sang vivra aura la, le pain vivra éternellement. Et on va voir que nous sommes au-dessus de la mort. Amen. Amen. Only the righteous are under his grace. Nur die Gerechten unter seiner Gnade. Et ce sont seulement les justes qui sont sous sa grâce. Only the righteous are under his protection. Nur die Gerechten unter protection seinem Schutz. Protection of the Lord. Unter dem Schutz des Herrn. Seulement les justes qui sont sous la protection de l'Éternel. Genèse 18. 1. Mose 18. Genèse 18. Praise the Lord. Amen. Genesis 18 from verse 17. 1 Mose 18. Genesis 18, verse 17. Amen. Never hide anything from the righteous. Er versteckt nichts vor den Gerechten. Somebody weak ne cache rien des justes. Never keep anything good away from the righteous. Nichts Gutes hält er den Gerechten vor. Donc oui, tout ce qui est bien, il le fait révéler aux justes. You see it here. Mm-hmm. And the Lord says, shall I hide from Abraham that thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessing him. For I know him, that he will command his children and his household after me. Is somebody getting something here? Amen. Praise the Lord. Amen. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. And the Lord said, because, again, verse 20, please. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. 21. I will go down and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me. And if not, I will know. 22. And the men turned their faces from thence and went towards Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. Verse 23. And Abraham drew near and said, will thou also destroy the righteous with the wicked? Are you getting it? Mm-hmm. The righteous. Die Gerechten. Die Justen. Will they be destroyed with the wicked? Werden sie wie mit den Gottlosen zerstört? Est-ce que les justes seront aussi détruits avec les injustes? Amen. Mm-hmm. Please, I hope you still remember how you know what it is to be righteous. Ich hoffe, ihr wisst noch, was es bedeutet, gerecht zu sein vor Christus Jesus. J'espère que vous vous rappelez de ce qui est la signification des justes devant l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Verse 24. Peradventure there be 50 righteous within the city, will thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Because of the 50 righteous, will you not save the two cities? Mm-hmm. Allow them to live. Are you getting it? Only the righteous are under protection. Nur die Gerechten sind unter dem Schutz. Donc on peut voir que ce sont seulement les justes qui sont sous sa protection. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And we should know how to be righteous. Wir sollten wissen, wie man gerecht ist vor Christus. Et c'est pour cela on doit apprendre à vivre juste selon le Christ, pas selon la religion. It means to believe Christ. Das heißt, an Christus zu glauben. Et tu Amen. Es juste quand tu crois en Praise the Lord. Hallelujah. To believe Christ. That's all. Christus zu glauben, das war's. Tu crois en lui. C'est to depend on him, to trust him. Dich auf ihn zu verlassen, ihn zu vertrauen. Tu dépends en lui, tu lui fais confiance. C'est Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 25. Verse 25. He said, thou be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of all the earth be right, do right? Mm-hmm. And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake. And somebody getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. For their sake. Um deren Willen. Because of them. Wegen ihnen. The whole place will be saved. Wird der ganze Ort gerettet. Il y a verset 26, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc, à cause d'eux, il est capable de pardonner toute une ville. Under his grace, there is protection. Unter seiner Gnade ist Schutz. Donc, sous sa grâce, il y a vraiment une protection. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And we should not be afraid of anything. Wir sollten vor nichts Angst haben. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment avoir peur de rien. Amen. In verse 27, and Abraham answered and said, Behold, now I have taken up upon me to speak unto the Lord, which I am but dust and ashes. Peradventure there shall lack 5 of the 50 righteous, without destroying all the city for lack of 5. And he said, if I find there 45, I will not destroy it. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, Daddy. Thank you. Amen. Verse 29. 29. Donc, ici à 28, il nous dit que même s'il il trouve pour 5 hommes, il ne va pas détruire la ville. As a righteous son of God. Als ein gerechter Sohn Gottes, sollte es keine Angst geben. Et c'est pour cela, étant un fils de Dieu et un juste de, selon l'Éternel, tu n'as jamais à avoir peur. Your father knows how to take care of you. Dein Vater Amen. Weiß, wie er auf dich acht zu geben Parce hat. Que ton Amen. Père, il sait comment prendre soin de toi. Praise the Lord. Hallelujah. And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be 40 farm there. And he said, I will not do it for 40's sake. Then in verse 30, the same, now 30. Then after 20, verse 31. You see this? 30, dann then 30, in verse 32, 32 10. Dann 10. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord, verse 33 now. And the Lord went his way. You know, if Abraham have asked for just 5 or even 3 or even 1, the Lord could have still said yes. Mm-hmm. I will not destroy. Der Herr das auch gemacht. Donc, wegen einer Person dann die Stadt sogar verschont. Donc je vois que Abraham a demandé, mais comment si je trouve 50, si je trouve 10, donc si Abraham l'avait demandé, mais si je trouve une personne qui est vraiment juste, tu vas épargner la ville. Il allait aussi accepter l'Éternel. And the Lord went his way as soon as he had left communing with Abraham. And Abraham returned unto his place. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, thank you, Father. Amen. Amen. Today, the righteous are those that believe Christ's message. Heute sind die Gerechten die, die an die Botschaft von Christus Jesus glauben, dieser gehorchen. Aujourd'hui, les justes sont ceux qui acceptent et obéissent, se soumettent à la vérité du Christ. Those that believe Christ's message and believe it and obey it are not those that believe prophets. Die, die der Botschaft von Christus glauben, nicht die, die den Propheten glauben. Tu es juste quand tu es en train d'obéir le message du Christ et pas quand tu es en train et aussi de vivre, de te soumettre au message qui vient du Christ et pas quand tu, tu obéis ou bien tu écoutes le message d'un prophète. And not those that obey the message of a prophet. Und nicht die, die die Botschaft von Propheten glauben. Et tu n'es pas un fils quand tu es en train de croire au message d'un prophète. Let me help you to understand what prophet is. Mm. Ich euch helfen zu verstehen, was Propheten bedeuten. Je vous aide à comprendre qu'est-ce qui signifie le être un prophète. Before the coming of Christ, the prophets were the righteous. Vor dem Kommen von Christus waren die Propheten die Gerechten. Avant l'arrivée du Christ, c'était, des pro, les, c'était les prophètes qui étaient les justes. Qui, oui. The period of the Father. Die, the prophets were the righteous. Da waren die Propheten die Gerechten. Donc c'était seulement les prophètes qui étaient les justes. Ils étaient les justes dans le période du Père. Amen. And that of the Son, it was the disciples. Bei den Jüngern waren nee, in der Zeit des Sohnes waren es die Jünger. Et dans le temps du père du oui de, du fils, c'était seulement les disciples qui étaient des justes. Amen. Amen. But now the period of the Holy Spirit. Aber jetzt in der Zeit des Heiligen Geistes. Mais maintenant dans le temps du Saint-Esprit. It is only the sons that are the righteous. Sind nur die Söhne, die Gerechten. No longer the prophets. Nicht mehr die no Propheten. Longer the disciples. Nicht mehr die Jünger. Ce sont seulement les fils qui sont des justes. Plus ils ne sont plus des, les prophètes, ils ne sont plus des disciples. Before the coming of Christ, vor dem Kommen von Christus, avant l'arrivée du Christ, the prophets were under the protection of the Lord. Waren die Propheten unter dem Schutz des Herrn. C'était les prophètes qui étaient sous la, la protection du Christ. But now they are naked. Aber jetzt sind sie nackt. The prophets. Die Propheten. Et maintenant les prophètes sont nus. Because they are servants. Weil sie Knechte sind. Parce qu'ils sont des servants. Serviteurs. I'm not a son. Und nicht Söhne. Ils sont pas des fils. A son is greater than any servant. Ein Sohn ist größer als jeder Knecht. Un serviteur est plus un fils est plus grand que tout autre type de serviteur. Praise the Lord. Alléluia. The kingdom of grace and das the kingdom Königreich of love. La, le royaume, on parle toujours du royaume de la grâce et de la loi. Mm-hmm. Zwei Königreiche auf Erden. Deux royaumes sur terre. The kingdom of grace and the kingdom of law. Das Königreich der Gnade, das Königreich des Gesetzes. Donc le royaume de la grâce et la, le royaume de la loi. Christ's kingdom is the kingdom of grace. Das Königreich von Christus ist Königreich der Gnade. Donc le royaume du Christ est le royaume de la grâce. Grace also means inheritance. Gnade bedeutet auch Erbe. Donc la la grâce ça signifie aussi l'héritage. Amen. Amen. And that's why we can call the kingdom of grace, inheritance kingdom. Deswegen können wir das Königreich der Gnade auch das Königreich der des Erbes nennen. Et c'est pour cela qu'on peut aussi appeler le royaume des cieux comme le royaume d'héritage. Remember, the Bible is called Testament. Erinnert euch daran, die Bibel wird ein Testament genannt. Rappelez-vous, on a, la Bible, on dit que la Bible est un testament. Amen. Amen. Once you are talking about testament, you are talking about inheritance. Wenn du über ein Testament sprichst, redest du über ein Erbe. Et chaque fois que tu parles d'un testament, tu parles toujours d'un héritage. Praise the Lord. Hallelujah. I want to continue. What is the time? Yes. Praise the Lord. Hallelujah.